Second chapitre, la maison de Pomereul. Il nous faut maintenant quitter le cabaret de Mathusalem et revenir à quelques jours en arrière pour présenter au lecteur certains personnages dont il a été question dans la scène que nous venons de raconter. Deux hommes d'âge et d'aspect bien différents causaient dans un vaste cabinet de travail au mobilier sévère, renfermant de remarquables reproductions en bronze des chefs-d'œuvre de l'art antique. Le plus vieux, Antonin Pomereul, paraissait avoir 60 ans. Sa chevelure blanche, dans laquelle semblait avoir passé un coup de vent, dégageait des tempes puissantes qui indiquaient une vaste intelligence et une profonde entente des affaires. Son teint coloré, sa bouche souriante, son regard franc indiquaient une nature généreuse et simple. Son œil gris avait de la finesse, et les mains qu'il étalait en ce moment sur la table de son bureau trahissaient le négociant émérite qui n'hésite pas, quand le besoin s'en fait sentir, à manier lui-même l'outil. Son interlocuteur, au contraire, comptait 25 ans à peine. Son front large indiquait un génie concentré, sérieux. Le regard avait des profondeurs mystérieuses, dans lesquelles le sentiment de l'ascétisme s'unissait à la rêverie. Sa taille svelte, sa longue chevelure noire, sa peau d'un blanc mat concouraient à former un ensemble plein de séduction. Une voix timbrée et loyale achevait de donner toute confiance dans l'honnêteté de cette nature ardente et fine, inspirée et grave tout ensemble. « Ainsi, Bénédicte, demanda Antonin Pomereul, vous refusez d'enlever devant moi le voile jaloux couvrant la statuette que Cléomène, votre apprenti, vient d'apporter et dont, vous le constatez, j'ai respecté les plis comme ceux de l'antique Isis. Vous refusez de me montrer votre dernier chef-d'œuvre ? Non, mon cher maître, répondit le jeune homme en prenant par un mouvement spontané les mains du vieillard. « Je ne vous refuse rien, et d'ailleurs je n'ai rien à vous refuser. Mais si j'ai dit à Cléomène de ne pas découvrir cette statue, c'est que je voulais moi-même voir quelle impression vous produirait cette œuvre, entendre de vos lèvres l'arrêt qui me fera heureux ou triste, puis interroger votre cœur en même temps que votre esprit sur le double jugement que vous allez rendre. « Diable ! Fit en souriant Antonin Pomereul. « Ceci devient plus grave que je ne le pensais. »« Il s'agit de toute ma vie, » murmura le jeune homme. « Votre arrêt décidera de mon sort. »« De ton avenir d'artiste, peut-être, et encore, car on se trompe, mon ami, on se trompe souvent dans l'art, et ce sont les chercheurs qui s'égarent davantage. Décidés à ne point suivre la route battue, ils demandent des sentiers nouveaux à l'inconnu. » Parfois le fil conducteur leur manque, la nuit se fait dans leur esprit, ils ne peuvent réaliser la grandeur de la conception première. Mais c'est égal, Bénédicte, mieux vaut échouer en essayant de faire mieux que de rester médiocre et banal. « Jugez donc !» s'écria le jeune statuaire en enlevant avec rapidité la toile dont il avait enveloppé son œuvre. Jugez si ce que j'ai fait est banal ou si, au contraire, je mérite vos éloges. Une statuette d'1 mètre de haut en magnifique marbre de Carrare apparut alors au regard d'Antonin Pomereul qui ne put retenir un mouvement d'admiration. Elle représentait une jeune fille chastement vêtue de la robe collante que portaient les femmes des 12e et 13e siècles. L'attitude recueillie, les yeux levés au ciel, tenant dans une de ses mains un marteau et un ciseau, elle semblait la personnification de la sculpture de cette époque qui, fille céleste de la prière, vouait ses plus magnifiques œuvres aux dieux qui les inspiraient. Le vieillard contempla longtemps la statue sans rien dire, puis il s'écria avec une expression convaincue, en tendant les deux mains au jeune homme. « C'est bien, mon enfant, c'est bien !» « Je ne saurais dire combien ton œuvre me paraît remarquable. »« Ah, vous me comblez de joie !» dit Bénédicte. « Nulle approbation ne pouvait m'être plus précieuse que la vôtre. »« Et cette figure représente ?» La fille de Steinbach, architecte de la cathédrale de Strasbourg. Sabine aida son père dans cette construction grandiose. Avec lui, elle en dessina les plans, elle exécuta quelques maquettes, et la colonne des anges est signée de son nom. Ah, la fille de Steinbach s'appelait Sabine, comme la mienne, ajouta Pomereul avec un sourire. Eh bien, te voilà content, elle est charmante, ta statue, c'est d'un bon style, cela. Tu sais rester penseur, et l'habileté de ta main ne nuit pas à la pureté de ton inspiration. Bravo! Oui, sincèrement, bravo et courage, car si la figure est de petite dimension, c'est pourtant traité dans la grande manière. Tu es vraiment un artiste de haute valeur. Ah, maître, vous me rendez confus, et si je vous connaissais moins, je serais tenté de croire. Du tout, je constate, tu ne m'accuseras point d'être un flatteur, je l'espère. Te souviens-tu qu'en presque enfant, tu travaillais dans l'atelier de mes sculpteurs, combien je montrais d'exigence, c'était à décourager tout autre que toi. Peut-être me trouvais-tu sévère, dur même, je m'en défiais et n'en continuais pas moins. C'est à la patience de l'élève que l'on connaît la franchise de sa vocation. Ceux qui lâchent pied, rebutés par les difficultés de la tâche et la raideur du maître, ne valent pas un regret. On leur rend service en les gardant ouvriers, au lieu de les élever au rang d'artistes. Toi, tu rougissais moins de dépit que de chagrin de ton impuissance. Tu recommençais sans trêve. Chaque jour marquait un progrès sans que tu en tirasses vanité. Regardant tout ce que tu devais apprendre, tu ne faisais point de cas du talent acquis, et j'ai dû te mettre à la porte de l'atelier, car tu ne voulais pas comprendre que la grande sculpture t'appelait, que tu étais capable de créer des œuvres originales et que chez moi, tu n'aurais fait que des modèles pour l'industrie. Tu ne comprenais pas que c'était te rendre service que de t'arracher aux travaux terre-à-terre de mon usine. « Oui, répondit Bénédicte, vous avez raison. Il a fallu me chasser de votre maison pour que j'en sorte. Vous vouliez mon bien, je souhaitais garder mon bonheur. Vous rêviez pour moi aller au sommet de l'art. Et dans ce temps, j'aurais tout sacrifié, je crois, pour vous faire des pendules et des candélabres. Vous n'aviez pas tort. Mais mon cœur me répète que j'avais raison. Je commence à être connu. Peut-être deviendrai-je célèbre. Peut-être l'État m'achètera-t-il un jour quelqu'une de mes œuvres. Mais qui me prouve que j'aurai, comme jadis, l'amitié de ton vieux maître? Mais tu es resté de la famille, Bénédicte. Je t'aime presque autant que mon fils Sulpice. Plus que mon fils Xavier, peut-être. Vrai? Bien vrai? Alors, si je vous demandais une grâce, je suis presque sûr que je te l'accorderais. Même s'il s'agissait d'une chose bien grave, même s'il s'agissait du bonheur ou du malheur de toute ma vie, non pas même, surtout. Eh bien, dit Bénédicte Fougeray, en rassemblant son courage, « Me permettez-vous d'offrir cette statuette à mademoiselle Sabine? C'est demain l'anniversaire de sa naissance, et vous comprenez, je serais si heureux si elle daignait. »« Cher et grand enfant, dit le vieillard, tu n'oses achever. Cependant, tu as vécu 10 ans dans la maison Pomereul, mais ces vérités à ton égard n'ont jamais été que des preuves d'attachement. Quand de grosses larmes roulèrent dans tes yeux le jour de ton départ, c'est que tu laissais ici la meilleure part de ton passé et les juvéniles ambitions de ton avenir. Mais je voulais cette épreuve. Elle était nécessaire pour tremper ton âme. Couvée par mon affection prévoyante, tu ne connaissais aucun des dangers du monde. Tu pensais que l'on y vit dans la dignité de sa pureté et la force de ses convictions, sans lutte, sans fatigue. Je voulais te voir traverser la fournaise ardente et en sortir mieux trempé pour le combat de la vie. L'adolescent me disait adieu, le cœur gonflé de sanglots. J'espérais que le jeune homme me reviendrait, et tu es revenu. Tu n'as point fait de faux pas dans ta route. Ton regard est resté fixé sur une étoile, et ton cœur n'a gardé qu'une tendresse. Ah, cela est bien, cela est beau et rare. Les artistes de ton âge ont d'ordinaire souillé de boue la face auguste de la muse inspiratrice. Toi, tu l'as priée de t'enlever sur ses ailes, et elle t'a soutenue, elle t'a empêché de te heurter aux rudes pierres du chemin. Souvent, tu m'as nommé ton bienfaiteur, aujourd'hui encore, tu m'appelles ton maître. Il ne te reste plus qu'un titre à me décerner. Un titre? Vous me comprenez donc? Vous daignez m'accorder la main? Embrasse ton père, dit Pomereul en tendant les bras au jeune homme. Une longue étreinte les rapprocha tous deux. Si des larmes brillaient dans les yeux de Bénédicte, Antonin Pomereul n'était pas moins ému que le sculpteur, et tous deux tressaillirent avec le sentiment d'un égal regret quand Baptiste, ouvrant la porte et interrompant ainsi leur confidence, demanda « Monsieur peut-il recevoir Monsieur André Niçois ? Il dit qu'il a une importante communication à faire à monsieur. »« Toujours !» répondit Antonin Pomereul en faisant quelques pas vers la porte. « Ainsi ma statue est désormais la propriété de Sabine, et tu ne saurais, j'en suis sûr, lui faire un cadeau de fiançailles qui lui soit plus précieux. Oh tiens, elle ne va pas longtemps attendre cette surprise !» Monsieur Pomereul se tourna vers l'angle le plus obscur de son cabinet et appela « Liplap !» À ce nom, une créature étrange quitta l'ombre dans laquelle elle était comme ensevelie et, se tenant debout, ferme sur ses larges pieds mais les bras pendant le long de son corps maigre, elle s'avança vers son maître. C'était un chimpanzé de la grande espèce, à la face presque humaine, aux yeux doux, à la bouche largement fendue et qui semblait presque faite pour la parole. Les yeux de Liplap pétillaient d'intelligence. Il portait le costume de brocart agrémenté d'or et de perles que l'on voit au noir représenté dans les tableaux des maîtres italiens. Un turban de couleur vive couvrait sa tête et il semblait tout fier de la somptuosité de ses habits. Apporté de l'île de Java à M. Pomereul par un de ses amis, il s'était vite façonné, comme le font souvent les individus de sa race, à certaines corvées domestiques. Il portait parfaitement un plateau garni de corbeilles de fruits ou de liqueurs et de café, distribuait des courriers et comprenait la plupart des ordres qu'on lui donnait. « Liplap, lui dit M. Pomereul, prends cette statue et va la monter dans la chambre de Mademoiselle Sabine. Tu la placeras sur la cheminée. Surtout, prends garde de ne pas la casser. Ta maîtresse ne te le pardonnerait pas. » Un large rire montra les dents blanches du chimpanzé. Il saisit de ses mains robustes et cependant à droite la figure de marbre et se dirigea du côté de l'appartement de Mademoiselle Pomereul en prenant mille précautions pour ne pas heurter la statuette aux meubles qui garnissaient le cabinet de son maître. « Ma fille est sortie, » dit le fabricant. « Elle trouvera cette surprise à son retour et t'en remerciera ce soir. Tu dînes bien entendu avec nous, mon enfant. » « Vous êtes mille fois trop bon, cher maître, et je ne sais si je dois accepter. Allons, pas de cérémonie entre nous. Laisse ces façons aux étrangers. Toi, n'es-tu pas depuis longtemps, et davantage encore aujourd'hui, de la maison ?» Bénédicte serra la main de Pomereul, salua M. Niçois qui entrait, et quitta la maison tout rayonnant de bonheur. Son vœu le plus cher venait d'être exaucé. Le fabricant de bronze remarqua tout de suite la préoccupation empreinte sur le visage du visiteur. Loin de ressembler à ces gens qui, comprenant la détresse d'un ami, commencent l'entretien par l'énumération de leurs propres soucis, afin d'éloigner toute pensée de demande de service, Pomereul s'assit bien en face de Niçois et lui dit avec rondeur « Quelque chose va mal, conte-moi cela. » « Je vois à ton visage soucieux que tu n'es pas dans tes bons jours. »« Oui, cela va mal, » répondit Niçois. « Je suis venu ici pour te le dire, et maintenant, quand je songe que ce que j'ai à te dire est si grave, que le service que j'ai à te demander est si important, maintenant tu hésites, n'est-il pas vrai ? À quoi servent donc les amis si nous ne les employons pas à nous rendre service ? Tiens, le digne et charmant garçon qui sort d'ici en a fait autant. Il venait pour m'ouvrir son cœur. Si je ne l'avais aidé, il serait parti sans rien me dire. Il a fallu que je lui offre Sabine en mariage. C'était son plus ardent désir, et il n'osait pas me montrer le fond de son âme. Toi, il te faut de l'argent ? Qui t'a dit ? Personne. Tu me le jures ? Personne ne t'a parlé de mes embarras ? On ne soupçonne pas à la bourse ? À la bourse ? Mais hier, on me vantait la solidité de ta maison. Rien ne transpire de ta gêne, si tu es gêné. Mais quelle autre cause qu'un souci d'argent te rendrait si sombre? Et pourquoi viendrais-tu aujourd'hui, à l'avant-veille d'une fin de mois, si ce n'était pour me dire « Ami Pomerol, ouvre ta caisse toute grande, j'ai besoin d'y puiser des deux mains. Les amis sont faits pour s'entraider. Je n'en ai pas de meilleur que toi, et c'est sur toi que j'ai compté. » « Eh bien oui, » fit André Niçois. « Ton amitié est clairvoyante autant que généreuse. Il me faut de l'argent, une grosse somme d'argent, et il me la faut dans 2 jours. Fixe-la, 100 000 francs, » dit avec inquiétude le banquier. « Tu vois que le service que je te demande est grand. »« Je ne les ai point chez moi, » dit simplement Pomerel. « Mais je les ferai rentrer. Après-demain, tu pourras les venir prendre ici. Ils seront à ta disposition. » « Tu me sauves la vie !» dit Niçois en tendant les deux mains vers M. Pomerol. « La vie, c'est beaucoup, c'est trop dire même. Je te rends un service que, dans semblable occurrence, j'eusse réclamé de toi sans la moindre hésitation. Si l'on est ami, je ne dis pas jusqu'à la bourse, mais au-delà de la bourse, ce n'est point la peine de faire parade de grands sentiments. » Ah, toi, Pomerol, tu les as sans en faire parade. Je ne connais pas d'être meilleur et plus dévoué que toi. Que n'as-tu pas fait pour tous ceux qui t'entourent, pour tes amis qui sans cesse frappent à ta caisse, pour tes domestiques auxquels tu donnes de larges gages, pour tes ouvriers auxquels tu as prodigué le bien-être? Je t'arrête ici, André, et je récuse tes éloges. Répartit Pomerol. Ce que tu appelles du dévouement, du libéralisme, de la générosité, ne peut être qu'une grande entente des affaires. En somme, il me semble que si j'ai fait dans ma vie des avances de fonds et des actes de bonté, ça a été un placement avantageux. Je suis riche et je jouis de ce bonheur sans égal d'être chéri de tous ceux qui m'entourent, respecté sans être craint et d'avoir 4 millions sans me connaître d'ennemis ni d'envieux. Quand je rappelle les souvenirs de mon existence depuis l'âge de 10 ans jusqu'à cette journée, je ne trouve que des occasions de bénir la Providence pour les bienfaits qu'elle n'a cessé de me prodiguer. Il est bien un point noir à cet horizon bleu. Mais il disparaîtra, je l'espère. Qu'était mon père? Un forgeron, exerçant un rude métier et gagnant un maigre salaire. Il me prit un jour la pensée d'ajouter quelques sous au prix de la journée paternelle, et j'entrai chez un fabricant de bronze. On m'employa à faire les courses, à balayer l'atelier. Mais on reconnut que je ne flânais pas en chemin, et qu'il ne restait pas un atome de poussière où j'avais passé le balai ou le plumeau. Dès lors, la confiance s'accrut. Je devins apprenti. Mes progrès surprirent les ouvriers, puis le maître. J'inspirais de l'intérêt. On m'apprit les secrets du métier, sans me laisser languir sur des pièces faciles. Je voulus tour à tour exercer le montage, la ciselure, la fonte des grandes choses. À 20 ans, peu d'ouvriers m'égalaient. Si mon instruction manquait de base classique, elle était du moins pratique et solide. À partir de ce jour, ma destinée fut faite. Le propriétaire de la fabrique avait une fille. Je l'aimais de toute la force de mon cœur, mais jamais je n'aurais osé aspirer à sa main. Monsieur Bernard sut lire dans mon âme. Il parla de moi à sa fille. J'avais eu le bonheur de lui plaire. Peu de mois après, je l'épousai. La raison sociale de la maison resta pendant 3 ans Bernard et Pomerol. Puis je n'eus plus à mettre qu'un seul nom sur les registres et les factures. Bernard était mort et je lui succédais. J'eus 3 enfants et notre bonheur était digne d'envie quand un chagrin profond m'atteignit. Ma femme mourut. Je crus longtemps qu'il me serait impossible de me consoler. Mais si je ne l'oubliais point, je sentis avec le temps diminuer l'acuité de la douleur. Mes enfants me restaient, Sulpice, dont la maturité d'esprit devançait l'âge, Xavier, qui rachète par les qualités de son cœur les écarts de son imagination, et Sabine, l'ange et la grâce de cette maison, dont je vais faire l'heureuse épouse du meilleur et du plus intelligent des hommes. N'ai-je pas raison de dire que le ciel m'a comblé de ses faveurs? Oui, dit Niçois, tu es un père heureux. Pomerol laissa échapper un soupir, puis il reprit. « Ce que l'on avait fait pour moi, pauvre enfant de Paris, sans autre recommandation que son désir de bien faire, je l'ai voulu rendre aux autres. Je suis devenu moins le maître que le père de mes ouvriers. si je m'acquitte en leur comptant leur salaire, il m'est doux de faire davantage pour la satisfaction de ma conscience. Tu verras quelque jour comment j'ai organisé leur vie à Charenton, près de la fabrique. Chaque famille possède sa maison, simple mais commode. Elle y trouve l'eau qui désaltère et purifie, le gaz qui échauffe et qui éclaire. Un coin de terrain lui fournit des légumes et des fleurs. Les enfants y peuvent élever des lapins, et la ménagère y fait recouver des poules. J'ai là un hospice pour les malades, une crèche pour les nourrissons, un ouvroir pour les filles, une salle d'asile pour le petit monde, une école pour les enfants déjà grands. Ma fabrique renferme une cité tout entière dont je suis le magistrat, et dont Sulpice, ton fils, est l'apôtre. Oui, répliqua Pomerol d'une voix qui s'altéra sous l'empire de l'attendrissement. Tu as bien raison de le dire, Sulpice est un apôtre. Ce que je faisais, moi, dans un but de philanthropie, il l'accomplit simplement par charité. J'accumulais dans un coin de terre les améliorations, le confortable, les plaisirs de ce monde. Il y a fait briller un coin du ciel, catéchiste des enfants, guide des familles, conseiller des pères respectés et chéris de tous, il a fait de mes ouvriers des hommes doublement honnêtes dans leur conduite. Point de désaccord entre leurs principes et la pratique. En voyant au milieu d'eux le fils du patron, le millionnaire Sulpice Pomerol, porter de gros souliers et une pauvre soutane, il n'ose plus mettre en doute la divinité d'une religion qui inspire et soutient de pareils sacrifices. Sulpice, c'est le traducteur en action de l'Évangile, et il peut dire avec cette noble fierté de l'apôtre « Soyez mes imitateurs comme je suis l'imitateur de Jésus-Christ. » Certes, j'aime Sulpice comme la part vivante de mon cœur, mais il est des instants où la vénération que m'inspire son caractère et qu'impose ses vertus l'emporte encore sur ma tendresse. Je ne crois pas qu'il soit un plus beau spectacle que de voir un jeune homme comblé de tous les dons de l'esprit et de la fortune renoncer à ce que tous appellent les privilèges du petit nombre pour se vouer à l'enseignement des enfants, la consolation des pauvres, le soulagement de toutes les douleurs. Aussi, Sulpice est l'objet d'un culte de la part de tous ceux qui le connaissent. On frappe plus souvent à la modeste chambre qu'il sait réserver dans les combles de l'hôtel qu'on ne sonne à la porte d'un riche fabricant membre du conseil municipal et juge au tribunal de commerce. Chacun ici subit l'influence de sa douceur, de sa piété. Je ne parle pas de Sabine, qui est un petit ange, mais des clients, des amis, des domestiques. Tous ici admirent ses vertus et s'appliquent à les imiter. Tous, excepté Xavier, dont les débordements sans fin font mon cruel désespoir. Tu t'exagères la portée de quelques folies de jeunesse, Pomerol. Xavier, cela est vrai, ne te donne pas toute satisfaction. Tu me l'as dit 100 fois et j'ai compris tes angoisses. Mais ton fils ne sera pas perdu parce qu'il se sera laissé aller à quelques écarts trop bruyants, parce qu'il aura follement gaspillé quelques billets de banque aux courses et sur le tapis vert. Tu es assez riche pour payer ses prodigalités. Que diable, il faut que jeunesse se passe. Un jour viendra où ton fils sera un homme sérieux comme son frère. Laissez-lui jeter sa gourme. Ensuite, tu verras. Ces gourmes-là sont des lèpres sans cesse grandissantes chez les jeunes gens niçois. Eh bien, on guérit plus tôt ou plus tard. Xavier a peut-être manqué d'un ami de son âge, confident, sûr et déjà sérieux. Sulpice est bien austère pour ton fils cadet, et puis sans doute le caractère religieux dont il est revêtu lui en impose. Il croit toujours s'adresser aux prêtres et non aux frères. La pureté même de Sabine interdit les demandes de conseil. Il ne sait à qui ouvrir son âme, et c'est là ce qui, sans aucun doute, fait son malheur. « Mais moi ?» demanda Pomerol. « Toi ? Eh par Dieu, toi, tu es le père, un homme bien grave qui a eu de difficiles commencements dans la vie et dont le caractère défend à Xavier de lui tout dire. Tu as été habitué à vivre à la dure et tu voudrais que tout le monde fît comme toi. Ton fils le sait bien et sait ce qui arrête ses confidences. Cela changera quand Bénédicte sera devenu ton gendre, car tu me l'as dit, tu lui donnes Sabine. » « Avec joie, mon ami. Bénédicte est un des jeunes gens qui ont quitté mon atelier pour devenir des maîtres à leur tour. car j'ai cette satisfaction intime d'avoir formé dans ma maison des hommes dont le pays aura le droit de s'honorer. Une des raisons pour lesquelles j'aime mon industrie, c'est justement parce qu'elle me permet de venir en aide à de sérieuses aptitudes. Dès qu'un enfant se signale à l'attention du professeur de dessin ou de modelage, je le suis avec intérêt. Je m'informe de la situation de la famille. Si elle est pauvre, je fais une pension à l'enfant pour qu'il puisse continuer ses études sous les ordres de maître savant, stipulant par un traité qu'il me remboursera plus tard, par annuité, le montant de la somme avancée, afin que le service rendu aide à créer l'avenir d'un autre enfant. J'y trouve ensuite cet autre avantage d'habituer de bonne heure l'adolescent à estimer l'argent à sa valeur, à le regarder non comme une idole, mais comme une force, à comprendre qu'il doit moins servir à nos plaisirs qu'à nos besoins, et qu'il centuple de prix suivant l'usage qu'on en fait. Combien d'artistes me doivent leur avenir ? Luc Aubry, le paysagiste dont les amateurs s'arrachent les toiles, Jean Leroux, dont tu achetas un intérieur l'an passé, Bénédicte Fougeret, qui arrivera au premier rang de nos sculpteurs si la défaillance ne le prend pas. La défaillance, quand il sera le mari de Sabine, c'est son avenir que tu assures en lui donnant ta fille. Je ne parle ni de la défaillance des bras, ni celle de l'intelligence. De ce côté parbleu, je suis rassuré. Bénédicte a fait ses preuves et son avenir matériel est assuré. De laquelle donc ? De la défaillance morale. Ce ne sera pas possible dans un milieu pareil à celui dans lequel il vivra. Je l'espère, mais qui peut en répondre ? Sais-tu sur quelle pente facile et habilement dissimulée peut glisser un artiste ? Bénédicte ne comprend que le grand art, pur, religieux, chrétien, ce qui est la nuance attendrie de la religiosité. Il est de l'école des frères Bartolomeo et des frères Angelico, qui peignaient à genoux leur Madone. Mais le courant de la mode et du goût n'est pas de ce côté. L'art s'est fait païen, l'art est descendu des hauteurs sacrées. La muse s'est fait bacchante et danse avec les satyres. Il semble qu'une statue chaste, une peinture honnête, perdent une partie de leur chance de succès. On dote moins les églises d'œuvres pieuses. En revanche, on peuple davantage les boudoirs de figures profanes. Aussi malheur à l'artiste, si bien doué qu'il soit, qui sacrifie sa puissance d'inspiration pure à la fantaisie légère, qui se dit non pas « je vais créer une grande chose », mais « je vais sculpter, polir un groupe qui se vendra ». On veut du succès d'abord, du succès ensuite, du succès bruyant dans les journaux et qui se traduit en espèces sonnantes. Jusqu'à cette heure, Bénédicte s'est gardée de l'écueil face Dieu qui l'évite toujours. Qui peut jamais répondre de l'avenir du jeune homme grisé par un premier succès ? Il se laisse entraîner et bien grande est la force de volonté qu'il lui faut pour s'arrêter. Sois tranquille, non seulement il résistera, mais il mènera l'enfant prodigue à récipiscence. Tu le crois ? Sincèrement, nous faisions tous des folies à son âge. Sauf toi, peut-être. « Et toi aussi, je l'espère ?» demanda Pomerel en regardant fixement Niçois. Un nuage sombre passa sur la physionomie du banquier. Les paroles du riche industriel semblèrent avoir ravivé le triste souvenir jusque-là enseveli au fond de son cœur. « Mon ami, répondit celui-ci d'une voix troublée, j'ai payé à la folie, au vice, un tribut qui, pour avoir été court, ne m'en a pas moins coûté cher. Nous nous connaissons depuis de longues années, et cependant tu m'as toujours vu des cheveux blancs. C'est vrai, ils ont blanchi en une seule nuit. À la suite d'un horrible malheur, sans doute. Oui, tu l'as dit, d'un horrible malheur. » Puis, voyant l'étonnement profond que causait à Pomerol cette confidence inattendue, « C'est depuis ce malheur que j'aime l'argent avec rage. Jusqu'à ce jour, il ne m'avait semblé qu'un moyen d'arriver à une situation indépendante. Maintenant, il m'en faut pour satisfaire à mon orgueil, aux folies de ma femme, pour exciter l'envie des autres et me jeter au milieu d'un tel tourbillon d'affaires et de plaisirs que j'oublie, ou que du moins pour une heure, je perde le souvenir des heures terribles que j'ai passées autrefois. Je suis, tu me l'as dit, ton meilleur ami. » « Ne me conteras-tu jamais la cause de cette souffrance ?»« Si, » répondit Niçois, « tu sauras tout. » Un jour, l'ami viendra s'asseoir à ton foyer et il épanchera dans ton cœur le secret de son cœur. Aujourd'hui, le banquier seul t'a raconté ses angoisses. » Niçois se leva pour prendre congé. Pomerol l'accompagna et, comme il traversait le cabinet dans lequel travaillait Marc Mauduit, le secrétaire du grand industriel, qui semblait apporter la plus grande attention à ses occupations, Niçois dit à son ami en lui serrant la main « Tu as eu la bonté de me promettre que l'argent serait après-demain à ma disposition. Après-demain, 100 000 francs seront pour toi dans ce portefeuille. » Au moment où Niçois pénétrait dans l'antichambre, Liplap, stylé comme un domestique de bonne maison, lui présenta respectueusement sa canne et son pardessus. Pomerol rentra alors dans son cabinet et, en attendant l'heure du dîner, fit écrire par son secrétaire la lettre par laquelle il priait son banquier de tenir à sa disposition 200 000 francs pour le lendemain dans la matinée. Le riche industriel ne se doutait pas qu'en dictant cette lettre, c'était peut-être son arrêt de mort qu'il dictait.